y a dans la littérature de vulgarisation scientifique quelques marronniers qu'il faut toujours prendre avec beaucoup de précautions. Le remède contre la maladie d'Alzheimer, la découverte du vaccin contre le sida ou le traitement universel contre le cancer. Si chacune de ces découvertes constituerait une forme de Graal de la médecine contemporaine, il n'en reste pas moins que la recherche en est encore loin. Et pourtant, fin janvier, la presse scientifique titrait sur un nouvel espoir de traitement universel contre le cancer via l'élargissement d'un procédé d'immunothérapie qui a déjà fait ses preuves, les cellules CAR T. Alors que sont-elles? Où en est précisément la recherche? Et s'approcherait-on enfin de l'un de ces fameux Graals? L'oncologie abat ses CAR T, c'est le programme universel qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre donc au fonctionnement de ces cellules CAR T, apporter évidemment les réserves nécessaires à l'enthousiasme parfois un peu précipité de nos confrères de la presse scientifique, mais tout de même faire un point complet sur les perspectives de recherche fondamentale et les perspectives thérapeutiques qu'offrent ces nouvelles recherches autour des cellules CAR T. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Thieblemont, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service d'hémato-oncologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris et professeur d'hématologie à l'Université de Paris. Et Sébastien Amigorena, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en immunologie et directeur du centre d'immunothérapie de l'Institut Curie à Paris. Mais avant de vous retrouver, on commence, comme tous les jours, avec le tour de l'actualité scientifique la plus récente avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans Science Advances. Les dinosaures auraient eu le sang chaud. Avaient-ils le sang chaud comme les oiseaux ou le sang froid comme les reptiles? Cette question est très discutée depuis des années, mais nous avons enfin un élément de réponse. Une équipe internationale a examiné trois coquilles d'œufs d'espèces différentes. Une coquille de dinosaure à bec de canard, celle d'un titanosaure nain et celle d'un troodon. Ils ont utilisé la méthode récente de géochimie des isotopes regroupés. Avec cette méthode, on peut déterminer la température à laquelle la matière organique se forme à l'intérieur des corps, et notamment le carbonate de calcium, le composant majeur des coquilles d'œufs. Selon cette étude, le dinosaure à bec de canard avait une température corporelle de 44 degrés, le troodon de 38 et le titanosaure nain de 36. Ces températures correspondent à celles des animaux à sang chaud que l'on connaît aujourd'hui. Éric Buffetot est paléontologue et directeur de recherche émérite au CNRS. Il travaille sur la physiologie thermique des dinosaures. C'est une méthode de géochimie isotopique, c'est-à-dire que on utilise des isotopes de l'oxygène, oxygène 16 et oxygène 18 notamment, comme une sorte de thermomètre géologique ou paléontologique. Le rapport entre ces deux isotopes permet de calculer la température d'un animal à partir de ses restes fossiles. Et ils disent à un endroit dans l'article qu'un des intérêts de la méthode, c'est que la coquille de l'œuf, elle enregistre la température à l'intérieur du corps de la mère, évidemment, quand la coquille se forme. Et donc, ça donne vraiment la température interne de l'animal, mieux encore que si on prend, par exemple, les dents, qui sont plus un peu à la périphérie de l'animal, si on peut dire, alors que l'œuf, évidemment, est en plein centre du corps de la mère. C'est vraiment un élément de plus pour démontrer ce que l'on soupçonnait depuis longtemps et qui est maintenant bien attesté sur des bases scientifiques solides, c'est-à-dire que les dinosaures, et probablement tous les dinosaures, parce que là ils ont testé des dinosaures très différents les uns des autres, même s'ils n'ont pas tous exactement la même température, ils sont tous des animaux qui avaient une température plus élevée que celle du milieu dans lequel ils vivaient. Ça montre bien que cette capacité à réguler sa température était générale chez les dinosaures, donc elle doit remonter assez loin dans leur évolution. Pourquoi les dinosaures sont devenus des animaux à sang chaud? Probablement parce que c'est quand même un très grand avantage de pouvoir régler sa température et la maintenir à un niveau constant. Ça permet d'occuper des milieux qui sont interdits aux animaux à sang froid. Et on sait qu'il y a des dinosaures qui vivaient dans les régions polaires, mais les dinosaures pouvaient très bien subsister justement parce qu'ils étaient à sang chaud. Donc, on peut assez bien comprendre pourquoi cette caractéristique s'est répandue chez les dinosaures. Voilà, et comme tous les jours, hein, vous pouvez retrouver un lien vers la publication de Science Advances sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et puis, vous pourrez retrouver évidemment tous les liens vers les études du Journal des Sciences, mais également du reste de notre conversation du jour sur ce même fil Twitter et plus tard sur le site de La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon la DRES, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, 3 800 000 Français vivent dans un désert médical. Et les déserts médicaux, c'est-à-dire des zones géographiques où la densité de médecins est en dessous des besoins d'une population, sont des phénomènes qui s'amplifient en France. Il y a 4 ans, on comptait 2,5 millions de Français confrontés à ce problème. En 2018, les régions en manque de médecins généralistes concernent près de 6% de la population. Parmi les causes évoquées, la baisse du nombre de médecins qui n'ont pas été remplacés lors de leur départ à la retraite. Les résidents d'Île-de-France et du Centre-Val de Loire sont les plus touchés et la situation est particulièrement préoccupante dans les territoires d'outre-mer. En Guyane, par exemple, presque la moitié de la population, 44%, vit dans un désert médical. L'armée américaine développe un système de reconnaissance faciale à très très très longue portée. Et un appareil portable capable d'identifier des individus à 1 km de distance. Selon The New Scientist, en décembre dernier, l'entreprise Secure Planet a présenté un prototype au département de la défense des États-Unis. Cette technologie pourrait également être utilisée à partir de drones. Alors on ne sait pas exactement comment cela fonctionne, mais on sait que des algorithmes peuvent corriger les turbulences atmosphériques d'une image. De plus, des réseaux neuronaux peuvent aussi transformer plusieurs images floues en une seule image nette. Les ONG de défense des droits humains, comme Amnesty International, alertent sur les risques et les dérives liés à cette technologie. Et enfin, la fonte des glaciers à l'ouest de l'Antarctique s'aggrave. Le glacier de l'île du Pin vient de perdre une immense superficie de glace. Oui, un iceberg de plus de 300 km² s'est décroché pour ensuite se fragmenter en plusieurs icebergs. 300 km², c'est aussi grand que l'île de Malte. L'année dernière, grâce aux images du satellite Sentinel-B de la mission Copernicus, on a vu apparaître sur ce glacier deux grandes fissures. Depuis février, l'évolution de ces failles était surveillée. Les courants marins chauds ont déstabilisé la calotte glaciaire. L'Agence spatiale européenne vient de publier un timelapse. La fracturation du glacier de l'île du Pin a été particulièrement rapide. Merci beaucoup Natacha. Le timelapse que vous pouvez voir évidemment comme tout le reste sur notre fil Twitter @laméthodefc qui est effectivement assez impressionnant. Les cellules CAR T sont donc un traitement assez récent, de quelques années à peine, mis sur le marché aux États-Unis il y a 2 ans, moins que cela encore en Europe. Traitement qui s'est montré très efficace, mais sur un certain type de cancer, des cancers dits liquides, en l'occurrence des cancers hématologiques. Parce que si l'on parle de cancer au singulier comme d'une seule maladie, en fait un lymphome et un cancer du sein ou du pancréas, les différences sont énormes et les traitements, eux aussi, diffèrent énormément. C'est pourquoi ce fantasme d'un remède universel qui guérirait de tous les cancers, quel que soit leur type, relève plus du marronnier journalistique, aujourd'hui en tout cas, que de la réalité médicale. La preuve en est qu'à chaque fois que cela a été tenté, ça s'est soldé par un échec, comme en témoigne notre archive du jour, extrait du journal de France Inter, nous sommes en décembre 1975. Contre le cancer, un BCG spécial a été mis au point à l'Institut Pasteur grâce aux travaux du professeur Maté et de son équipe. Grâce à cet immuno-BCG Pasteur F, c'est son nom complet, le médecin pourra renforcer les défenses de l'organisme de certains cancers, et il faut bien insister, de certains cancers. À partir du 15 décembre, donc, ce nouveau BCG sera en vente dans les pharmacies. Germaine Bartoli vient de demander au professeur Maté, qui travaille depuis 13 ans sur ce problème, ce qu'il y a aujourd'hui de nouveau. Écoutez. La chose nouvelle, c'est que l'Institut Pasteur a mis au point une forme qui se conserve, une préparation qui se conserve pendant 3 mois au frigidaire à plus 4 degrés. Donc, que l'on pourra envoyer dans les divers pays du monde afin que tous les malades du monde entier puissent profiter de cette immunothérapie. Dans quel cas l'utilise-t-on ? Les leucémies, surtout aiguës, les tumeurs noires de la peau, les tumeurs du tube digestif et les tumeurs du sein sont celles pour lesquelles les essais qui ont été conduits en France ou aux États-Unis sont les plus valables. Est-ce qu'il va être en vente dans les pharmacies et sera-t-il remboursé par la Sécurité sociale ? Bien sûr, il sera en vente dans les pharmacies, il sera au service des praticiens qui sont des gens raisonnables et qui ont bien compris, je crois, l'immunothérapie d'après le contact que j'ai avec eux, et il sera remboursé par la Sécurité sociale. C'est malgré tout un traitement qui coûte cher puisque l'ampoule vaut 40 francs. mais la vie vaut bien davantage. Pardon, excusez-moi, c'est les 40 francs qui d'un seul coup, évidemment compte tenu du prix et notamment des prix dont nous avons parlé aujourd'hui de ces fameux traitements à base de cellules CAR-T qui sont autrement plus chers, évidemment 40 francs, ça prête à sourire. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, à cette tentative de BCG en 1975, Sébastien Amigorena. C'est difficile de commencer l'émission avec cette citation. C'est vrai que aussi bien les scientifiques que les médecins, on arrive à faire ce métier parce que à chaque fois on y croit, on s'enthousiasme. Et c'est vrai que tout ça est fait des petites victoires qu'il faut savoir remettre à leur place. Et votre introduction était tout à fait justifiée et lucide. Chaque petite victoire est une énorme victoire, mais ça reste à chaque fois des petits pas qu'on fait. Celui-là ne s'est pas révélé historique, si on peut dire. Catherine Thiblemont. Alors effectivement, l'imaginaire médical s'est développé depuis une trentaine d'années avec le besoin de croire que notre système immunitaire pouvait nous servir à guérir le cancer. Et donc les chercheurs, depuis une trentaine d'années, ont essayé d'approcher cette volonté, ce désir. Et on peut dire que les choses ont vraiment évolué depuis cette trentaine d'années, en arrivant actuellement à pouvoir y croire. Il y a 30 ans, les chercheurs ont imaginé pouvoir reprogrammer le système immunitaire, ce système qui nous permet de nous défendre contre les infections virales, bactériennes, mais aussi contre les cancers. Et donc, au fil du temps, ces essais ont conduit à reprogrammer de façon spécifique le système immunitaire, qui est un système extrêmement complexe avec des lymphocytes T, des lymphocytes B, et ces lymphocytes T qui sont une sorte de soupe de cellules et qui vont pouvoir agir contre les agressions, sont maintenant reprogrammables. Et ce sont ces fameuses cellules CAR-T dont nous allons parler aujourd'hui. Ce qui est intéressant, si vous voulez, le point de départ de cette émission, c'est cette publication dans Nature Immunology qui dit que, alors ces cellules CAR-T, on va en parler, on sait qu'elles sont efficaces sur certains types de cancers que j'évoquais tout à l'heure, dont vous allez nous parler, des cancers liquides, mais là, d'un seul coup, on aurait trouvé, en tout cas les équipes et la publication indiquent que on aurait trouvé une sorte de marqueur universel des différentes cellules tumorales et que donc on pourrait appliquer une sorte de réponse universelle en fonction de ces marqueurs. C'est cela, Sébastien Amigorena ? Oui, c'est ce que dit cet article. Au moins, c'est ce que la communauté de journalistes scientifiques a retenu de cet article. Alors, il y a effectivement dans le travail qui est présenté, qui est fondamentalement la découverte d'un récepteur de lymphocytes T qui reconnaît des types de tumeurs très divers et qui ne semble pas reconnaître les tissus normaux. Donc l'observation est très excitante et a plein de potentiel. Le problème numéro un de ce travail, c'est que le mécanisme n'a pas été dévoilé. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi ce récepteur de lymphocytes T différencie entre cellules tumorales et cellules normales. Et en absence d'un mécanisme, nous autres scientifiques, on a beaucoup de mal à croire à la généralité d'un processus. On a besoin de comprendre pour vraiment pouvoir définitivement être confiant dans ce résultat. Et on y reviendra certainement à la toute fin de cette émission, mais avant cela, on va essayer de comprendre ce que sont ces cellules CAR-T et comment on arrive, in fine, à pouvoir imaginer leur utilisation, non plus seulement sur les cancers liquides, mais sur tout un autre type de cellules tumorales. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc des cellules CAR-T tout au long de cette heure en compagnie de Catherine Thiblemont et de Sébastien Amigorena. Alors donc on est dans le domaine de l'immunothérapie, vous l'avez dit tout à l'heure Catherine Thiblemont, c'est-à-dire qu'on utilise notre propre système immunitaire et on va le modifier un petit peu pour qu'il puisse s'attaquer spécifiquement à un certain type de cellules tumorales, parce que en fait ce qu'on pense aujourd'hui c'est que des petits cancers, notre système immunitaire en traite certainement très régulièrement et arrive à les évacuer. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui sortent de ce cadre-là, mais sinon, en fait, notre système immunitaire, quand il fonctionne bien, il répond à des petites explosions comme ça tumorales. Donc effectivement, notre système immunitaire va pouvoir être en alerte 24 heures sur 24 sur des corps étrangers. Et ces corps étrangers sont des virus, comme je le disais, des bactéries, mais aussi des cellules anormales qui sont des cellules potentiellement cancéreuses. Et notre système immunitaire va pouvoir éliminer ces cellules anormales et ces cancers. Mais parfois, ce n'est pas possible. Et donc, il faut reprogrammer notre système immunitaire. En tout cas, c'est ce qu'il a été pensé et réfléchi et travaillé. Et maintenant, c'est possible d'analyser de façon fine comment on va pouvoir attaquer ces cellules et donc reprogrammer les lymphocytes T. Donc, on prend les cellules et lymphocytes T des patients. On va les modifier génétiquement pour qu'elles puissent exprimer des récepteurs spécifiques pour aller reconnaître un antigène spécifique de la cellule tumorale et pouvoir détruire ces cellules tumorales. Donc il y a deux fonctions dans ces cellules CAR-T, la fonction de reconnaissance et la fonction d'expansion pour pouvoir aller détruire toutes les cellules cancéreuses jusqu'à la dernière. Parce qu'il faut peut-être préciser qu'il y a un problème quand on utilise, quand on fait de l'immunothérapie. Je vais renvoyer les auditeurs parce qu'on a évidemment parler à plusieurs reprises d'immunothérapie à ce micro. C'est vrai que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des anticorps monoclonaux. Là, on est sur tout à fait autre chose. Mais on retrouve ce même problème en immunothérapie qui est que, eh bien, quand on veut s'attaquer au cancer, c'est-à-dire à nos propres cellules, eh bien, le système immunitaire, normalement, il ne répond pas au soi. C'est-à-dire qu'il est fait pour ne pas nous attaquer nous-mêmes. Or, nos cellules tumorales, eh ben, c'est quand même un peu du soi. Alors, ça devient du nous-soi, mais donc là, on est sur quelque chose d'un peu ténu, finalement. Donc effectivement, le système immunitaire va pouvoir reconnaître les cellules qui dérivent du non-soi et qui sont anormales et qui sont les cellules cancéreuses. Et donc ces systèmes immunitaires que l'on va reprogrammer, ces cellules CAR-T, vont pouvoir reconnaître de façon spécifique ces cellules cancéreuses. Et ce n'est plus du coup un produit chimique qu'on injecte comme une chimiothérapie. Ce n'est plus en anticorps monoclonal qui sont des protéines qui vont simplement, entre guillemets, aller contre une cellule de façon naïve et complètement non expandable. On a affaire à une nouvelle classe de médicaments qui sont des médicaments vivants. C'est-à-dire que ce sont des médicaments spécifiques et qui vont aussi vivre et s'expandre dans l'organisme pour pouvoir aller, comme je le disais, tuer la cellule cancéreuse jusqu'à la dernière. Sébastien Amigorena, comment est-ce qu'on est arrivé à découvrir ces cellules CAR-T ou à imaginer d'un seul coup qu'on allait pouvoir transformer ces lymphocytes T, d'un seul coup, leur donner un spectre plus large pour s'en servir en oncologie? Alors, c'est pas que je veux pas répondre à votre question, mais je voudrais faire un petit commentaire sur votre question précédente, parce que je pense que c'est un problème très très important. Quelle que soit la façon dont on cherche à stimuler le système immunitaire pour qu'il agissent et ils rejettent les cellules tumorales, donc ils guérissent les cancers, il faut que le système immunitaire puisse, comme vous l'avez dit, distinguer entre une cellule tumorale et une cellule normale. Et effectivement, dans la grande majorité des cancers, il n'y a pas de virus. Dans certains types de cancers, il y a des virus oncogéniques qui induisent la transformation. Donc la cellule tumorale exprime une protéine virale, par exemple. À ce moment-là, le problème devient un petit peu différent. Dans la plupart des cancers non viraux induits, donc indépendants d'infection, ce que le système immunitaire peut reconnaître est beaucoup moins important, beaucoup plus ténu, difficile à identifier. Alors il y a depuis une petite dizaine d'années, peut-être 5-6 ans, une hypothèse qui a permis d'avancer sur ce sujet, qui est l'hypothèse des mutations somatiques. On savait depuis longtemps que les cancers font des mutations sur des protéines de la famille des oncogènes ou des tumeurs suppresseurs, c'est-à-dire des molécules qui régulent la croissance tumorale. Quand elles sont mutées, la cellule tumorale se développe. Donc ça, c'est des mutations qu'on appelle driver, ou qu'on appelle des mutations qui oncogénique. C'est-à-dire qu'en fait, ces mutations, c'est celles qui cassent un petit peu la machine à reproduction simple de la cellule et qui fait que la reproduction s'emballe et que d'un seul coup, elle devient tumorale. Voilà. Le problème, c'est que ces mutations sont très limitées en nombre et que le système immunitaire a du mal à les voir. Et on s'est aperçu, il y a donc une petite dizaine d'années, que des mutations non oncogéniques, des mutations qu'on appelle passagères, parce qu'elles arrivent au hasard sur l'ensemble du génome, qui sont présentes dans la cellule qui est à l'origine de la tumeur, vont être amplifiées par le processus de prolifération, et donc la tumeur va exprimer un certain nombre de mutations en dehors des oncogènes et des tumeurs suppresseurs qui vont permettre au système immunitaire de reconnaître ces cellules tumorales. Ce que fait la tumeur, c'est en proliférant, en expand cette série de mutations. Alors, ce type de mutations sont plus ou moins abondantes selon le type de tumeur. Et en fait, comme règle générale, on peut dire que les tumeurs qui ont beaucoup de ces mutations passagères sont mieux reconnues par le système immunitaire, ce qui suggère que c'est au moins un élément de reconnaissance. Mieux reconnues parce que du coup, elles expriment certaines protéines, ces mutations expriment certaines protéines à la surface de la cellule et que du coup, c'est plus compliqué que ça? C'est un peu plus compliqué que ça parce que ce n'est pas les protéines à la surface qui sont la base du rejet des tumeurs pour le système immunitaire, c'est la présentation de certains peptides dérivés par dégradation de ces protéines mutées qui sont présentées sur les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité et sont reconnues par les lymphocytes T. Je répète ça. Alors, si vous pouvez essayer de le simplifier voilà. Un peu ou de le dire en des termes alors, plus synthétiques. Les protéines ont des mutations. Bien sûr. On change un acide aminé contre un autre. Mm-hmm. Le système immunitaire a appris à être tolérant contre la version non mutée. La version mutée est différente. Ces protéines sont dégradées. Une protéine, en général, fait entre 20, 40, 60, 100, 200, 1000 acides aminés. Elles ne peuvent pas, le système immunitaire ne peut pas voir ces protéines, surtout quand elles sont à l'intérieur de cellules. Le système qui a été développé au cours de l'évolution, c'est un système de dégradation de ces longues protéines en peptides qui font 8, 9, 10 acides aminés. Ces peptides sont processés, donc dégradés à partir de la version complète, puis sont présentés, montrés à la surface des cellules par les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, qui sont une série d'autres protéines qui sont très diverses, très polymorphes, présentes à la surface de toutes les cellules et qui en quelque sorte montrent ces peptides au système immunitaire, aux lymphocytes T. Donc la base de la reconnaissance des tumeurs par le système immunitaire passe par ces peptides de 10 acides aminés, surtout quand ils sont mutés. Et alors, on en revient donc du coup aux cellules CAR T. Qui veut m'expliquer un peu justement comment est-ce qu'on a réussi à trouver, à montrer que, bien quand il n'y avait pas de problème effectivement de reconnaissance virale, ça c'est autre chose, eh bien on pouvait tout de même bien repérer ces petites modifications qui permettent d'un seul coup. Alors c'est pas ça. Allez-y, Sébastien Amigorena. Non, alors j'allais y venir. Ça c'est la façon dont le système immunitaire reconnaît les tumeurs naturellement, la façon dont il limite la progression tumorale dans les individus sains. On ne sait pas encore reproduire ça, ou on est en train d'y travailler, mais ce n'est pas ça qui a marché au niveau des CAR T-cells. Ce qui a marché au niveau des CAR T-cells, ce sont des molécules qui ne sont pas normalement reconnues par le système immunitaire. Dans le cas le plus connu, qui est CD19, qui est le CAR T-cell qui marche le mieux, la protéine reconnue, ce CD19, est exprimée aussi bien sur la tumeur que sur les cellules normales, sur les lymphocytes B. Donc on va tuer aussi bien les lymphocytes B que les cellules tumorales, la cellule de lymphome ou de leucémie qui expriment ce CD19. CD19, donc, c'est l'un des marqueurs que l'on utilise, on va y revenir, hein, voilà. Justement, pour modifier, c'est le marqueur principal qu'on utilise pour les cellules CAR T. Voilà. Allez-y. C'est pour ça que dans ce cas des CAR T contre CD19, contre les leucémies et certains lymphomes, on arrive à éliminer la tumeur en éliminant cette population de lymphocytes B dont on peut se passer dans certaines conditions avec certains traitements de remplacement. Alors, je me retourne vers vous, Catherine Thiéblemont. Peut-être qu'on peut redire plusieurs choses. Déjà, vous m'avez tapé sur les doigts et vous avez eu raison de le faire. On ne parle pas de cancer liquide, c'est totalement inapproprié. Ce sont des lymphomes et des leucémies. Et des leucémies, voilà. Effectivement, comme vous le disiez très bien, il y a une quantité très diverse de cancers qui proviennent de cellules anormales, du poumon, du sein, du côlon, et des cancers qui viennent de cellules qui circulent. Et les cellules qui circulent, eh bien, ce sont des lymphocytes. On appelle ça des leucémies. Et les lymphomes sont des cancers des ganglions. Donc deux pathologies très différentes en termes de présentation clinique. Les leucémies aiguës ou chroniques, mais on s'intéresse plutôt aux leucémies aiguës, mais aussi aux chroniques dans le cadre des traitements par CAR T. Et dans les lymphomes de type B, parce que effectivement, ces deux types de cancers expriment le CD19. Et actuellement, en utilisation thérapeutique, nous avons un CAR qui est utilisable. Ce sont les CAR anti-CD19. Alors, on va rappeler que CAR T-cells, donc les cellules CAR T, c'est pour chimérique antigène récepteur. Peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi chimérique, parce qu'en fait, on va prendre les lymphocytes T d'un patient, on va les modifier à base de thérapie génique, précisément pour les rendre susceptibles, pour leur permettre de reconnaître ce fameux marqueur que vous citiez l'un de l'autre, qui est le marqueur CD19. Tout à fait. Donc, ce système immunitaire complexe basé sur les lymphocytes B, T, les anticorps monoclonaux, etc., les anticorps contre pour aviser immunitaire, eh bien, à l'intérieur de ce système, les lymphocytes T sont un acteur majeur. Et ces lymphocytes T, pour les rendre encore plus efficaces et plus spécifiques pour attaquer les cellules cancéreuses de leucémie ou de lymphome vont être effectivement modifiées de façon génétique pour qu'ils expriment à leur surface une molécule qui va reconnaître le CD19. Un récepteur d'antigène, puisque c'est... Exactement, ce récepteur d'antigène. Ce récepteur d'antigène CD19. Et donc, pour modifier et pour faire que ce récepteur soit exprimé à la surface de lymphocyte T, on va modifier ce lymphocyte T de façon génétique. Par plusieurs méthodes, et peut-être que Sébastien va peut-être décrire ces différentes méthodes. Donc, cette méthode va modifier le génome de lymphocyte T pour qu'il exprime à la surface ce récepteur. Non seulement le récepteur qui est une protéine extracellulaire, mais il va y avoir aussi une autre partie qui est intracellulaire qui va permettre de faire que le lymphocyte T qui va reconnaître l'antigène soit actif et s'expande et puisse tuer la cellule cancéreuse. Et provoquer l'apoptose, oui. Peut-être, alors, avant de rentrer dans les processus de modification génétique, ce qu'il faut bien comprendre, du coup, ce qui est intéressant et ce qui est même essentiel dans cette thérapie à base de cellules CAR T, c'est que, eh bien, comme on prend les lymphocytes de chaque patient, parce que, évidemment, si on prenait des lymphocytes de quelqu'un d'autre, il y aurait un problème d'incompatibilité, de rejet, comme il se passe pour n'importe quel autre type de greffe. Sébastien Amigorena ? Oui, c'est vrai. Et en même temps, le rêve, j'allais dire, l'espoir, c'est qu'on va quand même arriver à utiliser des cellules qu'on appelle allogéniques, c'est-à-dire qui ne sont pas du même fond génétique que le patient, et qu'on va pouvoir échanger cette thérapie cellulaire entre différents donneurs. C'est ça. Pour l'instant, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. Ça fait beaucoup rire mes auditeurs quand je dis on y reviendra, mais cette fois-ci, je vous jure qu'on y reviendra. C'est dans le programme. Pour l'instant, c'est des traitements qu'on appelle autologues ou personnalisés, c'est-à-dire que pour chaque patient, on prépare un lot de cellules qu'on modifie en dehors de l'organisme. Donc, on prélève le sang, on modifie génétiquement ces cellules pour leur faire exprimer un anticorps à la surface avec un module de signalisation, d'activation cellulaire dans la région intracellulaire, comme disait Catherine. On va ensuite réinjecter ces cellules pour qu'elles aillent trouver la tumeur et l'éliminer. Et aujourd'hui, quels sont, alors d'abord, les résultats cliniques, je me retourne vers vous Catherine Thiablemont, on utilise ces cellules CAR T, on reviendra sur les questions de coûts, de production, tout ça tout à l'heure, mais aujourd'hui, quels sont les résultats que l'on obtient sur ces traitements qui viennent en général, pour le moment, encore en deuxième intention hein. Donc, les premiers essais ont été faits il y a une dizaine d'années maintenant aux États-Unis et ils sont parfaitement reproductibles. Ce sont des résultats qui sont absolument spectaculaires puisque au niveau des leucémies aiguës, on arrive à des réponses complètes. En tout cas, des réponses qui sont dans plus de 90% des patients qui sont réfractaires au traitement habituel, notamment par chimiothérapie, ou de greffe, d'allogreffe. Et pour les lymphomes, on obtient des résultats qui sont au mieux à 80% et persistants dans 30 à 40% des patients réfractaires là aussi à la chimiothérapie. Donc des résultats qui sont inespérés chez ces patients qui présentent des pathologies réfractaires. Deux questions, si les résultats sont aussi bons, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas ces traitements CAR T en première intention ? C'est déjà un essai thérapeutique en fait, donc on y va effectivement en science et en médecine, on va pas à pas en essayant d'ajouter chaque brique les unes après les autres et ce sont effectivement des choses qui sont déjà expérimentées. Sébastien Amigorena, autre question peut-être un peu simple ou un peu naïve, puisque ces traitements à base de cellules CAR T fonctionnent aussi bien sur ce fameux marqueur CD19, bien pourquoi est-ce qu'on ne l'étend pas à d'autres types de marqueurs, d'autres types de cellules tumorales ? Alors, on l'étend, on est en plein dedans, de différentes façons, avec différents problèmes. Le premier enjeu, c'est d'aller au-delà des pathologies hématologiques de type B, Il y a les lymphomes T, il y a des lymphomes, des maladies myéloïdes. Là, le problème, c'est que les marqueurs qui sont à notre disposition, qui ne sont toujours pas spécifiques des cellules tumorales, et ça, on en a, sont cette fois toxiques. C'est-à-dire aussi, on sait remplacer les lymphocytes B par des traitements avec des immunoglobulines, avec différents types de traitements de remplacement. Par contre, les lymphocytes T ou les cellules myéloïdes, surtout les cellules souches qui expriment ces marqueurs, on ne sait pas les remplacer. Donc, on ne peut pas utiliser cette même approche qu'on a utilisée pour les lymphocytes B à d'autres types. Catherine va me corriger et compléter ma réponse, mais c'est là une des principales difficultés pour étendre le traitement à d'autres populations ou à d'autres types de cancers hématologiques. Ça, c'est pour les cancers hématologiques, voilà. Mais pour les cancers dits, alors je vais me faire taper sur les doigts encore, mais solides. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle. Les solides, ça va. C'est que les liquides ne sont pas tous liquides, alors que les solides sont tous solides. Bon. Donc pour les tumeurs solides, on se trouve face à un tout autre type de problème. Il y en a un différent. Le premier, c'est que quand on s'adresse à un tissu, que ce soit le poumon, le foie ou l'intestin, si on prend des molécules qui ne distinguent pas ou des cibles qui ne distinguent pas entre tissu normal et tissu tumoral, on est là, c'est un vrai problème. Donc ça, on ne peut pas le faire. Donc il faut des marqueurs spécifiques. Il y en a quelques-uns. Très peu, on est en train d'essayer, mais on voit qu'on se retrouve face à d'autres types de problèmes, notamment le problème que les lymphocytes T, quand ils rentrent dans ces tumeurs solides, se trouvent dans un environnement qui est, qu'on dit, immunosuppresseur, c'est-à-dire que l'environnement des tumeurs solides empêche l'activité des lymphocytes T, et du coup les carticelles qui arrivent, quand ils arrivent à rentrer, ne sont pas efficaces. Et ça, c'est des problèmes qui, pour l'instant, sont compliqués et empêchent l'avancement rapide de ces traitements par carticelle dans les tumeurs solides. Catherine Thiéblemont, pour compléter ce que vient de dire Sébastien Migorena. Oui, donc effectivement, le champ d'investigation et de recherche dans les cancers solides est vraiment très compliqué. Et Sébastien a bien souligné divers problèmes. Déjà, l'accessibilité du CAR-T au sein de la tumeur qui est nichée dans un micro-environnement extrêmement complexe et potentiellement toxique pour les carticelles. Et d'autre part, effectivement, trouver les bonnes cibles. Et la voie de recherche supplémentaire est probablement d'essayer de trouver non pas un seul marqueur spécifique, mais un panel de marqueurs pour aller attaquer le cancer solide en question. Et vous allez voir que tout n'est pas non plus complètement rose dans le monde des CAR-T, puisque évidemment, ou des cellules CAR-T, puisque malgré ces résultats-là, vous allez voir qu'il y a encore des problèmes de fabrication, de coût de fabrication, de vitesse de fabrication, et la recherche a encore du pain sur la planche avant ce fameux remède universel. Cancer for Cure du groupe Hills à 16h35 sur France Culture, puisque c'est ce dont il est question dans l'émission du jour, d'une forme de recherche sur le traitement des cancers, les cellules CAR-T. Nous en parlons avec Catherine Thiéblemont, qui est chef du service d'hémato-oncologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris et professeur d'hématologie à l'Université de Paris, et Sébastien Amigorena, qui est chercheur en immunologie et directeur du centre d'immunothérapie de l'Institut Curie, toujours à Paris. Et comme je vous le disais il y a quelques secondes, le chemin est semé d'embûches. ruche vers la découverte de ces fameuses cellules CAR-T universelles et notamment du fait d'un certain nombre d'effets secondaires au sein du système immunitaire. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut Curie pour suivre des recherches qui s'attellent à ce problème. Oui, j'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez bien, Sébastien Amigorena, en la personne de Franck Pérez, avec qui vous avez cofondé la société Honing Biosciences. Franck Pérez est par ailleurs directeur de recherche CNRS à l'Institut Curie, où il dirige l'unité biologie cellulaire et cancer. Les cellules CAR-T peuvent avoir des effets secondaires importants, voire graves, vous le disiez Nicolas, et l'un des enjeux principaux est de réguler ces thérapies. C'est ce à quoi s'attelle Franck Pérez et son équipe à l'Institut Curie, mais aussi au sein de Honing Biosciences. Ces chercheurs font en sorte de trouver des nouveaux moyens de régulation des thérapies cellulaires, et en particulier des cellules CAR-T, pour pouvoir étendre leur utilisation à d'autres cancers que les lymphomes, et notamment les cancers solides. La base, c'est de transférer ce qu'on sait faire, nous, pour des études de biologie fondamentale, vers de la biologie appliquée et translationnelle, donc en application clinique. Donc nous, on sait très bien contrôler le trafic dans les cellules, on sait réguler le transport des protéines, la sécrétion, donc des facteurs diffusibles que les gens connaissent bien, comme l'insuline, etc., et qui sont mis en jeu dans des thérapies cellulaires. Donc notre idée, c'était d'utiliser notre capacité à contrôler ce trafic, plus pour découvrir les nouveaux modes de transport dans les cellules, mais pour découvrir ou mettre au point des nouveaux modes de régulation de thérapie cellulaire. Alors, quelle place occupent les fameuses cellules CAR-T dans ces travaux-là? J'imagine que la place est centrale. Nous, le fin mot, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des thérapies cellulaires ou thérapies géniques ex vivo. Donc, on fait de la recombinaison génétique et en même temps de la thérapie cellulaire. Et la seule qui ait vraiment été portée en clinique, c'est les CAR-T pour l'instant. Donc, on est parti sur ces projets-là, qui sont en plus très importants à l'Institut Curie, puisque l'oncologie et le traitement des tumeurs a été la première application de ces thérapies cellulaires. Mais dans le futur, on veut porter ça dans n'importe quelle thérapie cellulaire. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre des thérapies cellulaires qui ont montré leur efficacité, mais qui ont aussi soit un manque de contrôle, soit des fortes toxicités. Donc, ajouter à ces thérapies cellulaires, donc typiquement les CAR-T contre des lymphomes, des niveaux de régulation basés sur nos développements et sur les brevets qu'on a déposés. Donc soit de moduler des nouvelles thérapies, soit de moduler des thérapies existantes. Ce que je vous montre ici, c'est un exemple de ce qu'on a publié il y a quelques années. On voit ici le transport, la sécrétion d'une protéine mise en jeu dans l'inflammation, qui s'appelle le TNF, le Tumor Necrosis Factor. Donc on voit en principe, il est sécrété à l'équilibre, et nous, notre système, il empêche les cellules de sécréter. On voit que les protéines sont retenues dans les cellules ici. Mais quand on ajoute de la biotine, avec le système qu'on a développé, on voit qu'elles sortent tout en même temps de l'endroit où elles étaient retenues, dans la cellule, et puis ensuite, elles vont être larguées de façon synchronisée, donc toutes les cellules se comportent de la même façon. Et là, il a suffi qu'on mette de la biotine, et vous voyez le temps ici, c'est en 30 minutes que ça se passe. Donc c'est extrêmement rapide, donc on a un moyen de contrôler avec de la biotine, qui est une vitamine naturelle qu'on utilise tous, le transport et la sécrétion de ces protéines. Alors pourquoi ça, c'est vraiment quelque chose de très important comme travail pour justement ces questions un peu problématiques autour des cellules CAR-T qui posent parfois problème parce que justement il manque une régulation? L'immunité, le contrôle de l'immunité, c'est vraiment comme du lait sur le feu. C'est vraiment, le dosage est très important. Donc c'est important de mobiliser le système immunitaire contre les tumeurs, mais c'est aussi important de pas trop le mobiliser, de pas suractiver ces cellules-là. Donc tout système de contrôle, on n'est pas les seuls à avoir des développements pour des systèmes de contrôle, seront importants dans le futur. Donc ici, c'est un incubateur donc qui est à 37 degrés. Hein, c'est les températures pour des cellules humaines qui sont idéales, qui régulent en plus le pH. Et donc, on a à l'intérieur installé, passé par là, passé ici. Oui. Alors, il n'est pas encore installé. On va installer un imageur cellulaire au début. On voit le début ici. Mm-hmm. Et donc, l'idée, c'est un peu comme les systèmes qu'il y a ici, c'est de prendre des images des cellules pendant qu'elles sont traitées par les thérapies contrôlées et de vérifier qu'on arrive bien à contrôler la cytotoxicité de nos systèmes. Donc on fait tout par imagerie cellulaire en temps réel. Donc les cellules sont vivantes et on les image, ensuite on quantifie leur survie. Comment vous faites pour contrôler cette cytotoxicité? Donc là, c'est vraiment le système qui nous permet de contrôler le relargage des protéines toxiques. On va mettre de la biotine, et donc en fonction de la présence ou pas de biotine, donc notre idée, c'est juste de donner de la biotine à manger aux patients, de permettre de contrôler comme ça le relargage de ces protéines. Alors soit des protéines toxiques, soit des protéines qui vont réguler l'activation des cellules T. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être pour les auditeurs ce que c'est la biotine? Donc la biotine, c'est une vitamine qu'on utilise tous, qui est utilisée pour notamment la production d'énergie par nos cellules. Donc on en a un petit peu dans l'alimentation, mais très peu, donc suffisamment peu pour pas que ça nuise à notre système. Mais quand on en prend des excès, ça pose pas de problème particulier, donc on peut en prendre largement. La plupart des choses qu'on regarde, c'est dans des cellules. Donc nous, ici, on utilise des microscopes à fluorescence. Donc vous voyez, c'est des systèmes qui nous permettent de grossir un millier de fois l'image des cellules, donc on a ici de la fluorescence, on éclaire avec une certaine lumière et on voit à l'intérieur des cellules l'endroit où sont les protéines, l'état de survie et de la physiologie de ces cellules. Donc ça, c'est pour nous le système de base au laboratoire, le microscope qu'on utilise pour à peu près tout. Avant de parler d'essais même cliniques, il faut penser aux phases précliniques. Où est-ce que vous en êtes de cet agenda-là complexe dès qu'il s'agit d'une thérapie? Là, pour l'instant, on a bien fini la partie in vitro. Donc, on a des modèles cellulaires avec des tumeurs qu'on fait pousser in vitro. Et on est capable, on le voit ici sur ces courbes, de tuer les tumeurs en fonction de la présence ou pas de la biotine. On voit ici les cellules qui sont en train de pousser in vitro. Donc, on voit qu'il y en a de plus en plus. Hein, c'est une courbe de croissance. Et on voit que si on met un quart, on empêche sa croissance. C'est ce qui est en clinique, là. Si on met un quart qu'on a développé mais sans biotine, on voit qu'il n'y a pas d'effet. Par contre, si on remet de la biotine, on voit qu'on récupère l'effet. Donc, on est capable de réguler in vitro l'activité de ces quartés en fonction de notre addition de biotine. Donc, notre but maintenant, c'est de porter ça in vivo. Mmh. Donc, on fait des modèles de tumeurs chez la souris. On va se convaincre qu'on arrive bien à contrôler la cytotoxicité et ensuite essayer de voir quels seront les meilleurs modes de traitement avec une présence fréquente de biotine, peu fréquente, et regarder quel sera le meilleur régime avant de passer sur des modèles animaux plus proches de l'homme et puis peut-être des essais cliniques dans quelques années. Alors, le modèle qu'on a choisi de pousser maintenant, en ce moment, c'est des tumeurs liquides, des lymphomes, parce qu'on sait que ça fonctionne et on veut, nous, ajouter un mode de régulation, un niveau de régulation. Maintenant, on a d'autres projets dans le laboratoire et dans la société qui visent à, maintenant, essayer de porter ça vers des tumeurs solides, donc de voir si nos facteurs diffusibles, etc., ne pourraient pas aider à entrer maintenant dans les tumeurs solides qui résistent, en effet, un peu plus au CAR-T que les autres tumeurs en ce moment. Voilà le reportage du jour que vous avez écouté avec attention. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Sébastien Migorena. C'est des travaux que vous connaissez bien, de facto. C'est exceptionnel, c'est un travail de très très haut niveau. Mais bon, j'en fais partie. Vous faites partie prenante. Non, mais peut-être Catherine Thiéblemont, pourquoi est-ce que ces travaux-là aujourd'hui sont importants dans le développement et la suite de la recherche sur les cellules CAR-T? Donc effectivement, les traitements CAR-T, même s'ils sont vraiment extrêmement remarquables, impressionnants en termes de résultats, on sait qu'il y a des résistances, il y a des challenges qui s'ouvrent à nous, et on a besoin d'équipes de chercheurs comme celle de Curie pour pouvoir amener des solutions, modifier le comportement des CAR-T-cells, faire que il y ait des actions qui soient encore plus importantes, encore plus spécifiques. Et c'est vraiment très important. J'aimerais qu'on dise un mot tout de même de l'un des problèmes qui est encore, qui est d'ailleurs l'un des thèmes d'étude de ce reportage et de ces travaux, c'est les effets secondaires. Qu'est-ce qui se passe en fait exactement et quels sont les problèmes? Parce qu'on le dit, hein, il y a des effets secondaires en traitement de cellules CAR-T qui peuvent être très très violents, qui peuvent parfois aller jusqu'au décès du patient, qui sont dans des états de santé évidemment très fragiles, dans des cancers qui sont des cancers longs et difficile aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe déjà concrètement dans ces mécanismes, Sébastien Migorena, et comment les contourner? Alors, je peux parler rapidement des mécanismes au niveau clinique. Je pense que Catherine va être plus à même de vous expliquer. Ce qui se passe, c'est que quand on injecte les cellules CAR-T, donc qui sont armées par cet anticorps qui reconnaît les tumeurs, les lymphomes, les leucémies, mais aussi les lymphocytes B. Ces CAR-T-cells se retrouvent dans un environnement où il y a beaucoup d'antigènes. Ils vont reconnaître cet antigène et s'activer de façon excessive, et pas seulement au contact de la tumeur, mais aussi au contact de tout un tas de lymphocytes B qui sont un peu partout dans l'organisme. Cette activation, cette suractivation provoque la sécrétion d'un certain nombre de cytokines, c'est-à-dire c'est des molécules solubles comme des hormones immunitaires, qui vont agir, qui sont des médiateurs de l'inflammation. Donc, ces CAR-T-cells vont agir sur une autre population de cellules qui s'appelle les macrophages, des cellules myéloïdes, qui elles vont à leur tour s'activer et provoquer une espèce de choc inflammatoire qu'on appelle un CRS. Cytokine release syndrome. Voilà, exactement, qui va dans beaucoup de cas avoir des effets cliniques graves. Il y a eu des morts au cours des premiers traitements. Aujourd'hui, on sait manager, on sait répondre à ces effets toxiques de façon adéquate. Il n'y a plus, heureusement, de morts à cause de ces traitements. Mais Catherine peut peut-être vous en dire plus. Les cytokines, ce sont évidemment des protéines pro-inflammatoires, et donc ça crée une espèce de gigantesque réaction inflammatoire à l'échelle de l'ensemble du corps, et ça peut évidemment être très dangereux. Ce qu'on appelle sur le plan clinique, effectivement, un orage cytokinique. C'est-à-dire que, brutalement, le patient va présenter une fièvre à 40. Et c'est vraiment très brutal, ça peut survenir quelques heures seulement après l'injection des CAR-T-cells. Donc fièvre, hypotension, et donc ça va déstabiliser le système cardiovasculaire, et pour lequel on a besoin des réanimateurs pour pouvoir prendre en charge ces patients qui sont dans un état qui ne permet pas de vivre si on n'a pas à côté un service de réanimation qui va pouvoir prendre en charge ces problèmes de CRS, Cytokine Release Syndrome. Mmh. Est-ce qu'ils peuvent durer combien de temps? Qui dure le temps du traitement qui... Alors, ça dure effectivement le temps où l'expansion des CAR-T-cells est la plus importante. Donc ça peut durer quelques heures, quelques jours. En général, c'est 4 à 5 jours. Et effectivement, si au départ, on a eu quelques alertes de décès de patients, actuellement, on sait prendre en charge les patients. On sait proposer des traitements adéquats, basés sur la cortisone, basés sur des anti-cytokines. Et bien sûr, la prise en charge pour lever l'hypotension, etc. Ces effets secondaires, ils surviennent chez tous les patients? On a... Alors en fait, ces effets secondaires surviennent surtout chez les patients où il y a une masse tumorale très importante, parce qu'en fait, l'expansion va être d'autant plus importante. L'autre effet secondaire, qui est aussi important et qu'on n'arrive pas à comprendre complètement, c'est l'effet secondaire lié à la neurotoxicité. Donc les patients peuvent avoir des crises convulsives, des aphasies, donc une perte du mot, des convulsions, des comas parfois. Et on pense que c'est dû à éventuellement l'existence de récepteurs CD19 sur la paroi endothéliale des vaisseaux, peut-être aussi un passage, et ça on en est sûr, des CAR-T-cells au niveau des méninges, au niveau du cerveau. De la barrière hématoencéphalique, oui. Exactement. Mmh. Et donc effectivement, ça peut provoquer des effets secondaires qui sont impressionnants et pour le patient et pour l'équipe médicale, parce qu'on a des patients qui ont des signes neurologiques qui sont le plus souvent réversibles et transitoires et qui surviennent de façon un petit peu décalée par rapport au CRS, au syndrome de relâchage cytokinique, et qui peut durer quelques jours comme ce CRS. Un mot peut-être aussi sur les problèmes liés aujourd'hui à la fabrication et au coût de ces traitements par cellules CAR-T. On l'a dit, hein, pour le moment, ce sont des traitements de seconde intention. Ce sont donc des patients qui sont en général déjà fatigués et avec un système immunitaire un peu fragilisé par les traitements précédents, par les chimios, éventuellement les radiothérapies. Donc, on a des fenêtres de temps et de traitement qui sont relativement courtes. Or, aujourd'hui, où on en est exactement justement de la capacité de production de cellules CAR-T, comment ça se passe entre la France, les États-Unis, peut-être en Europe aussi aujourd'hui, Sébastien Amigorena? Alors, très schématiquement, il y a deux compagnies pharmaceutiques qui aujourd'hui proposent ces CAR-T-cells, trois, me fait Catherine. et le modèle, alors si je dis de bêtises, tu me corrigeras, le modèle commercial de ces compagnies pharmaceutiques, c'est qu'ils ont des centres de production centralisés, c'est-à-dire qu'ils ont des usines, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, il y en a en Asie. Donc le centre hospitalier prélève le sang du patient, il l'envoie dans un centre de production qui va faire toutes les modifications génétiques, des contrôles de qualité, qui va renvoyer le produit dans le centre où le patient va être traité. Donc l'ensemble de tout ça, c'est extrêmement compliqué. Le temps est contraint parce que l'évolution de la tumeur continue, donc il ne faut pas trop tarder. Et c'est extrêmement cher puisque les traitements coûtent entre 3 et 400 000 dollars, euros par patient. Oui, Catherine Thiebelmont. Donc si je peux effectivement rajouter, ces temps de fabrication sont très différents d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre. Aux États-Unis, on est sur une fabrication et une durée de fabrication autour de 17 jours en moyenne dans l'ensemble des centres. Actuellement en Europe, on est sur un temps de 30, 31 jours, 32 jours, ce qui est qui est moindre par rapport à il y a un an où on avait parfois des délais de fabrication qui étaient de 2 à 3 mois et où pour maintenir un patient qui est en situation réfractaire, c'était vraiment très compliqué. Donc effectivement, les choses s'améliorent et on a eu une réunion il y a une quinzaine de jours en Espagne où il y avait tous les plus grands chercheurs sur les CAR-T-cells au monde qui étaient là, et notamment la Chine. Et la Chine a avancé une fabrication en 24 heures de CAR-T-cells. Donc les choses évoluent et on a l'espoir effectivement que ce type de traitement et la longueur de fabrication va pouvoir être raccourcie avec l'implémentation de centres en Europe qui existent déjà, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, en France. Et effectivement, tout ça va s'améliorer dans les années à venir, c'est certain. Actuellement en France, il y a 15 centres hospitaliers qui peuvent traiter les patients sur tout le territoire français, alors qu'on était encore un, voire deux au début en 2018. Donc là, les choses avancent aussi très vite. On peut préciser tout de même qu'effectivement, l'Institut Curie et Robert Debré ont été à la pointe des premiers essais thérapeutiques, non, pas tellement? Et l'hôpital Saint-Louis? Et l'hôpital Saint-Louis. Mais j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Saint-Louis et Debré. Curie. Je voulais dire Saint-Louis et Debré, excusez-moi. Saint-Louis et Debré. Effectivement, l'hôpital Saint-Louis et l'hôpital Robert Debré pour les enfants, avec le service professeur André Baruchel. Nous avons ouvert les premiers essais thérapeutiques en France concernant les leucémies aiguës et les lymphomes. Et effectivement, actuellement, non plus en essai, mais aussi en utilisation commerciale, avec deux industriels qui ont donné accès, qui ont eu pour lesquels l'EMA et qui ont eu l'AMM, l'autorisation de notre marché pour utiliser ces carticelles, nous permettent maintenant, effectivement, d'avoir une utilisation dans la France entière. Aujourd'hui, une question tout de même qui est importante hein, pour nos auditrices et nos auditeurs. Qui peut bénéficier aujourd'hui de ces traitements? Dans quelles conditions est-ce qu'on peut en bénéficier quand on souffre de ces lymphomes ou de ces leucémies? Donc c'est extrêmement réglementé avec une AMM, autorisation de mise sur le marché, qui a été donnée en août 2018 en France par nos autorités et nos tutelles. Donc en leucémie aiguë, ce sont les leucémies aiguës réfractaires au moins deux traitements chez les enfants et l'adulte jeune jusqu'à 25 ans, et pour les lymphomes, des patients réfractaires à au moins deux lignes de traitement, donc pour les lymphomes agressifs de type B. J'aimerais qu'il nous reste une dizaine de minutes à parler ensemble. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui évidemment un peu de la recherche fondamentale. On a beaucoup parlé d'un marqueur. Il y a d'autres marqueurs qui sont aujourd'hui à l'étude pour produire d'autres types de cellules CAR-T, notamment un marqueur qui d'ailleurs, je vais vous laisser m'en parler, Sébastien Amigorena, le marqueur BAFFR, BAFR. De quoi s'agit-il exactement? C'est un marqueur de deuxième ligne pour le même type de cancer, c'est cela? Oui, en fait, il y a toute une série de marqueurs dans le cadre des leucémies, dont celui-là. Le plus avancé, c'est peut-être BCMA, pour lequel il y a des résultats très, très encourageants déjà. Quelle est la différence précisément avec CD19? Pourquoi est-ce qu'on continue justement, si on a de si bons résultats avec CD19, à chercher d'autres marqueurs pour ce type de tumeur? Alors, il y a deux types de situations où on a besoin d'autres marqueurs. Tout d'abord, les tumeurs qui n'expriment pas CD19, et il y en a beaucoup. Donc, avec BCMA, on a ce type d'avantage. Le deuxième, c'est les résistances qui sont parfois et souvent CD19 négatives. C'est-à-dire la rechute d'un patient, même si les réponses sont relativement durables, dans le cas de CD19, et encore Catherine va peut-être me corriger, il y a autour de 50% de rechute entre 1 et 2 ans. Donc 90% de réponses tout d'abord, immédiate. Ce qui est énorme, c'est des réponses complètes souvent, mais il y a quand même des rechutes au bout d'un certain temps, et ces rechutes n'expriment plus les mêmes niveaux, sont résistantes au même CAR, le CD19 n'est plus une cible, donc il faut d'autres cibles. Donc dans les deux cas, pour les rechutes et pour les tumeurs qui n'expriment pas CD19, il nous faut des autres cibles. Il y a des résultats dans les tumeurs solides très encourageants, dans les tumeurs les tumeurs liquides, il y a des résultats... Oui, je suis pas le seul à dire tumeurs liquides, non, parce que me fait engueuler en antenne. Les tumeurs hématologiques, il y a des résultats très encourageants avec des CC de phase 1 et de phase 1-2 qui sont positifs. Pour ce qui est des tumeurs solides, c'est plus compliqué, mais il y a, dans le cas d'un essai récent utilisant la mésothéline, par exemple, des résultats positifs et des taux de réponse qui sont significatifs. Donc on pense qu'on va y arriver. Ça va être compliqué et long, mais on va y arriver. Catherine Thiebemont. Donc effectivement, d'autres marqueurs sont en analyse et en essai thérapeutique, notamment avec des CAR qui sont bicibles. Donc on va faire le CD19 et le CD20, CD19 et CD22, pour améliorer encore la spécificité, l'action, si par hasard les tumeurs n'exprimaient pas ou peu l'un des marqueurs. Donc on est en pleine voie. Effectivement, le BCMA, pour les myélomes notamment, qui sont des tumeurs hématologiques, c'est vraiment des choses qui sont en essai thérapeutique. Il y a donc on en revient finalement, on boucle et on revient à notre point de départ avec cette étude que l'on peut comprendre un peu mieux à l'aune de ce que nous venons de nous dire, publiée dans Nature Immunology, et cette protéine, ce marqueur qui est le marqueur MR1, donc avec du coup à nouveau la porte de ce Graal du marqueur universel. Où on en est exactement aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire où en sont les recherches, quels sont les tests qui ont été effectués et comment ces recherches peuvent évoluer, Sébastien Amigorena? Alors, MR1, c'est une de ces molécules dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on appelle du complexe majeur d'histocompatibilité. Mais c'est une de ces molécules qui est un petit peu particulière, parce que contrairement à quasiment toutes les autres, elle n'est pas variable, elle n'est pas polymorphe. C'est exactement la même dans tous les individus. C'est une molécule qui est présente à la surface de quasiment toutes les cellules. Donc, en elle-même, elle n'est pas spécifique des tumeurs. Et c'est une molécule qui, au lieu de présenter des peptides, comme je vous disais tout à l'heure, de quelques acides aminés, c'est une molécule qui présente à l'extérieur de la cellule des composés bactériens, des métabolites produits par les bactéries. Cet article-là, il est très surprenant. Donc, c'est cet article dont on discutait tout à l'heure qui montre qu'il y a une façon spécifique de reconnaître cette molécule MR1 qui permet de distinguer tumeurs et tissus sains. C'est très, très étonnant parce que ce n'est pas le récepteur de lymphocyte T qui est utilisé là, ce n'est pas le plus courant. Donc, c'est compliqué. Non, mais pour le moment, on vous suit très bien. Hein. Pour le moment, c'est extrêmement clair. Donc, allez-y. Il y a une population de lymphocytes T qui reconnaît majoritairement cette molécule MR1. Cette population s'appelle les cellules MATE. Elles ont d'ailleurs été découvertes en France par un chercheur à l'Institut Curie, qui est Olivier Lantz, qui a montré que cette population de lymphocytes, qui est présente dans le sang de tous les individus, qui est très abondante dans le sang de tous les individus, reconnaît cette molécule MR1 avec un composé bactérien. L'article dont vous avez parlé, qui prétend pouvoir reconnaître l'ensemble des cancers, reconnaît cette même molécule MR1 que reconnaissent les MATE, mais avec un récepteur spécifique qui est différent de celui utilisé par les MATE. C'est un récepteur nouveau que ces gens-là ont isolé un petit peu par hasard, par chance, et qui se trouve, distingue cellules tumorales et tissus normaux, mais on ne sait pas comment. Ce n'est pas ce qui est présenté par la molécule MR1 reconnue par ces lymphocytes T, ce récepteur de lymphocytes T, n'est pas le métabolite habituel reconnu par les cellules MR1. Et du coup, on ne sait pas très bien ce qu'il reconnaît. Alors, c'est juste que un certain nombre d'entre nous sommes un petit peu méfiants, voudraient comprendre avant de s'enthousiasmer. Mais si ce résultat se confirme et peut être expliqué, peut être compris, ça va être vraiment une révolution parce qu'on aura un outil, une façon unique de reconnaître un nombre très important de tumeurs sans problème de reconnaissance du tissu sain. Qu'est-ce qu'on attend juste des études de confirmation? Pour le moment, c'est sur le modèle murin avec des cellules de cancer humain, mais il faut dire qu'on est au tout début, tout début. Au tout début, on est encore très loin des essais cliniques, mais ça va aller assez vite parce qu'aujourd'hui, le processus d'aller depuis une découverte fondamentale vers un essai clinique s'est accéléré de façon notable. Il va probablement y avoir des compagnies de start-up qui vont être créées autour de ça, ou une de ces grandes pharma vont mettre des dizaines de millions pour très très rapidement aller à ces essais cliniques. Merci beaucoup Sébastien Amigorena, merci beaucoup Catherine Thiéblemont d'être venue nous parler de ces cellules CAR-T et de leur recherche fondamentale en la matière. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Céline Lezen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Tom Imdenstock, Laurence Malonda à la réalisation aujourd'hui et Swad Boukorsa à la technique. Demain, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, eh bien, malgré tous vos efforts, votre appartement tendait inexorablement vers le désordre? La réponse, ça n'est pas parce que vous êtes pas très rangé, c'est la seconde loi de la thermodynamique qui fait tendre tout système vers une dispersion d'énergie et une augmentation du chaos. C'est l'entropie, ce sera le thème de notre émission de demain, on en parle à 16h jusqu'à preuve du contraire.